Le roman d'une violette de Parme, par Lucie de la rue Mardrus. Une violette de Parme, pareille à toutes les autres, était née en Provence, au revers d'une colline, dans un de ces champs industriels qui alimentent de parfums les fabriques de Grasse. Ses petites compagnes printanières vivaient comme elle, épanouies au soleil. Leur bonne odeur était leur conversation. Elles y joignaient de mignons saluts lorsqu'un peu de brise venait. Debout et la tête dans le ciel, à la manière des êtres humains, toutes, elles étaient protégées par quelques feuilles ovales et vertes, et cela leur donnait tout à fait l'air de porter des ombrelles comme des dames. Dans son cerveau minuscule de fleurs, ma violette s'enorgueillissait chaque matin de sentir, sur sa tête sombre, un clair chapeau de rosée. Elle se raidissait alors, pour ne pas laisser tomber le fait de cette grosse goutte précieuse qui brillait au soleil du midi, comme un diamant d'au moins 1/2 carat. Mais un souffle passait, la violette saluait et le diamant tombait, et chaque matin, c'était, pour la fragile ambitieuse, une déception, car elle n'avait pas absolument le même caractère que ses camarades. Peut-être cela venait-il de ce qu'elle était très enfoncée dans ses feuilles et seule sur son plan. En effet, sa mère, étant enceinte de ses graines, avait péri de mort violente ne laissant sur la terre que cette seule fille qui, par hasard, avait germé et fleuri, mais complètement isolée. Aussi ne prenait-elle point toujours part au plaisir de la jeunesse. Mieux abritée par ses feuilles, elle dansait avec plus de réserve que les autres les jours de Mistral, et aux instants marqués par la visitation des papillons, elle n'accordait que de très rares rendez-vous. C'est pourquoi elle n'était pas encore fiancée. Elle laissait donc ses sœurs, chiffonnées et dociles, subir, fixes sur leurs tiges, le va-et-vient des infidèles insectes, ces violettes ailées. Mais si elle flirtait peu avec les importants bourdons à grosse voix et les guêpes bien corsetées, elle avait su, sans avoir l'air de rien, conquérir l'amitié d'un grillon déjà âgé et plein de belles et secrètes qualités. Ce grillon était presque un inconnu pour la foule des autres violettes, d'ailleurs. Comme le sont en général les personnes très savantes, il était d'aspect plutôt revêche. Mais nonobstant ce physique défavorable, on découvrait en le fréquentant que dans son corps exigu et sec comme une brindille de bois vivait tout entière la grande âme des campagnes au soleil. En outre, il connaissait tant d'autres choses. Il avait habité les vastes cheminées des hommes, devant lesquelles s'assoient les familles et aussi les fours brûlants où cuit leur pain quotidien. De sorte que, bestiole perdue dans l'immensité des champs provençaux, sa petite crécelle naturelle, certains jours, tenait à la violette des discours de philosophe. « Le destin d'une fleur, lui déclarait-il souvent, peut être encore autre chose que la vie et la mort au soleil. Il est possible, pour elle, de rêver un au-delà merveilleux, par lequel elle acquiert une âme presque humaine. Je ne veux pas t'en révéler plus long, mais sans doute, toi qui es une jolie violette double, plus réfléchie que les autres, toi qui sais qu'une goutte d'eau sur la tête a le poids d'une fugace pierrerie, tu connaîtras un jour cet au-delà dont je ne peux te parler davantage, ne voulant pas trahir les secrets des humains. » Et la violette, durant les longues heures du jour, penchait sa compliquée petite figure végétale et rêvait indéfiniment. Or, une aube vint, où une troupe de femmes du peuple, envoyée par une des fabriques, pénétra dans le champ et en quelques heures cueillit, sans en excepter une, toutes les violettes de Parme. Et les pauvrettes, brusquement arrachées de leur terroir, jetées pêle-mêle dans des paniers, faisaient entre elles des réflexions épouvantées. Beaucoup s'évanouirent dans la catastrophe, les autres disaient. Voici donc l'heure de mourir. Nous étions pourtant toutes jeunes encore, hélas, hélas. Car ces frêles personnes, hautes de 2 ou 3 centimètres, aimaient autant la vie que les grandes créatures de Dieu. Ma violette, pourtant, ne disait rien, mais elle pensait. Je m'envole enfin de la tige qui me retenait prisonnière, me voici libre et détachée comme une belle mouche bleue. C'est l'au-delà qui commence, sans doute. Adieu, ma colline natale, adieu, mon grillon, mon cher grillon. C'est ta parole infatigable qui m'apprit que tout n'est pas fini le jour de la mort. Faut-il raconter toutes les phases par lesquelles passèrent les milliers de camarades cueillis une fois entrés dans l'effrayante et noire demeure où se poursuit et s'achève la lente histoire des fleurs qui deviennent des parfums. Elle déferle l'air comme une immense vague embaumée à travers des chambres nues. Elles passèrent par des mains affairées d'ouvriers, roulèrent dans de nouveaux paniers, et enfin, encore vivantes et mouillées d'aurore méridionale, elles se virent, par masses compactes, au milieu des sifflements et des trépidations de la vapeur. Elles furent disposées sur un appareil de forme inattendue, qui, ainsi fleuri, figura, pour une seconde, un imposant cône de fraîcheur violette. Et la rêveuse élève du grillon, à ce moment, se dit « Voilà donc l'au-delà promis. Que notre solidarité splendide, à nous toutes, nous avons réalisé cette beauté. » Elle n'avait pas fini sa pensée que soudain, par quelque déclenchement, le cône chargé de fleurs plongea d'un seul coup dans l'enfer d'une cuve de pétrole bouillant. Instant indescriptible, quand l'appareil ressortit de la cuve, il ne restait plus autour du cône géant qu'un amas informe, incolore, inodore. Car à chaque fleur, le pétrole avait arraché son parfum comme une petite âme. Et si absolument vidés étaient les imperceptibles cadavres qu'on les jeta séance tenante dans un coin bon pour l'égout. Cependant, l'âme de la violette, au milieu d'une si terrible métaphysique, continuait à vivre et à réfléchir. Car à travers l'horreur des cuves, tuyaux et alambics, elle était, à elle toute seule, la conscience du vaste chant originel. Il est impossible de répéter en détail les mille péripéties de l'essence naissante, sachant seulement qu'un matin ce fut pour ce chant originel l'heure de la résurrection finale. Et cette résurrection, après le martyre varié de la fabrique, éclatait au soleil du printemps sous les espèces d'un flacon de triple extrait authentique. Ainsi s'était donnée toute une colline de violettes, pour ajouter une riche fiole aux divers accessoires qui, saugrenus, coûteux et charmants, brillent dans l'armoire des hommes coquets et des belles parisiennes. Et voici que, réveillées, assimilées les unes aux autres, plus proches encore qu'au jour de leur vie végétale, les menues compagnes d'autrefois, libérées de leur tout petit corps, se remirent, sous cette forme liquide, à bavarder entre elles, heureuses de se reconnaître et de se retrouver, quoique vraiment trop à l'étroit. Et les souvenirs qu'elles évoquaient, souvenirs du temps où les papillons les aimaient, étaient tellement plus intenses que ne l'avait été cette vie première, que leur causerie, sous forme de parfum, traversait le verre du flacon et se répandait dans toute l'armoire. Cependant, ma violette ne parlait pas, ayant gardé intacte son âme native. Ainsi transformée, elle se sentait, goutte précieuse, pareille au chapeau de rosée qui la coiffait jadis. Et elle attendait toujours, fervente et sans impatience, car, à travers l'infernale aventure, elle n'avait pas oublié la parole de son grillon. Un jour, une main prit le flacon dans l'armoire. Une belle jeune dame en fit sauter les diverses enveloppes et ouvrit. Et l'esprit collectif des violettes, comme un magnifique papillon d'autrefois, invisible et plus léger, se mit à voler de ci, de là, dans la chambre, si présent, malgré qu'on ne pût le voir, que la jeune dame en poussa un petit cri. Elle dit avec extase « Quelle bonne essence !» Et ayant précieusement incliné le flacon sur son mouchoir, une grosse goutte se répandit sur le linge fin et l'imbiba d'un rond humide. Et cette goutte n'était autre que la violette pensive à qui un au-delà merveilleux avait été promis. « Voilà certainement le bonheur, » pensa la violette. Mais elle ne se sentait pas particulièrement heureuse. Fil par fil, elle avançait sur le mouchoir blanc. La belle jeune femme l'avait enfoncée dans un manchon où ses petites mains se tenaient aussi sagement réunies. On voyageait. Ensuite, la violette vit des choses nouvelles. Un salon, où beaucoup de dames, compliquées et délicates comme des fleurs, saluaient de droite et de gauche pendant que quelques rares messieurs, noirs et déliés comme des insectes, allaient et venaient de l'une à l'autre. Et la pauvre petite pensait. Pourquoi mon ami le grillon ne m'avait-il pas dit que la vie des humains était toute pareille à celle d'un champ de violettes? Tout à coup, les mains de la belle jeune femme, occupées d'une tasse de thé, laissèrent tomber, sans s'en apercevoir, le mouchoir et la goutte d'odeur qui l'habitait. Alors, une autre main, celle d'un jeune homme, ramassa ce mouchoir avec précaution et le cacha vivement dans la poche d'un gilet. On sentait, à travers l'obscurité de cette poche, les grands coups d'un cœur. Or, lorsque vint le soir, seul et enfermé chez lui, le jeune homme reprit doucement le mouchoir et se prit à le respirer et à le baiser, avec des frissons qui ressemblaient à des sanglots. Et sa voix entrecoupée murmurait, et sa pensée disait « Oh parfum, parfum de celle que j'aime, oh goutte de violette, te voici, comme un fantôme plein de grâce, sous ma bouche. Quand je te respire, oh parfum de celle que j'aime, tu me redis son regard, sa voix, son geste, plus encore, tout l'inexprimé de sa très chère personne. Je t'aime, ô goutte de violette, perle qui contient, comme la mer, tout mon désir. Ô parfum, haleine de son baiser, ô toi, qui me rends pour une seconde la bien-aimée créature, je t'aime, présence réelle, goutte de violette, ah, mes chers, de l'adorer. » Alors, la chétive violette, répandue sur le linge fin du mouchoir, comprit enfin le mystère des paroles anciennes, et saluant du fond de l'absence son ami le grillon, elle sentit que l'heure de son bonheur était venue, puisque l'amour, comme un être humain, lui donnait à elle, humble petite fleur, une âme immortelle. C'était le roman d'une violette de Parme, par Lucie de la rue Mardrus.